Mardi 19 novembre, il est 17h30. Bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous pour vous entretenir d'art visuel au cours de cette émission, bien entendu. Aujourd'hui, à l'émission, on fait une scène 1 prise 2 avec Sébastien Hudon pour parler de l'exposition Test Film de la chinoise Chai Mi qui est présentée à la bande vidéo. Catherine Boivin viendra nous parler de l'exposition Le cœur au point comme un faucon aveugle de Jean-Robert Drouillard. On discute également avec Gwenaëlle Bélanger autour de son exposition Dépeindre qui résulte d'une résidence qui a été faite à vue. Également, Raymond Poirier vient nous faire sa revue de presse et le tout ponctué des sélections audio de Simon Roy, qui n'est pas là aujourd'hui pour nous en parler, mais ça fait rien. On écoute tout de suite un extrait de l'album Noise Free d'Argument Floyd, qui est publié sur les étiquettes Umpaco. On écoute l'extrait de la pièce Is Good. Voilà, c'était un extrait de la pièce Is Good. D'ailleurs, vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement sur le site l'aérospatiale.wordpress.com, également avec l'émission en balado, diffusion, les communiqués et les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour Julie, ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, et Julie, toujours des nouvelles, l'actualité un peu autour des arts visuels et notamment un petit suivi, tiens, pour commencer. Alors, je t'avais parlé la semaine dernière du groupe de travail sur l'avenir des musées qui vient de rendre public son rapport qui propose 61 recommandations structurantes donc dans la création de musées ressources. Donc, l'instauration d'un agrément des établissements muséaux inséré dans une loi, la mise en commun des ressources, la centralisation des collections ainsi que la bonification du financement des institutions. Donc, on en avait parlé un peu la semaine dernière. Ouais. C'est toujours intéressant de voir, donc, une fois le dépôt fait, ben, quelles seront les réactions. Et la Mais dans première ce cas-ci, réaction, quelles sont, hein? Ben, en fait, quelle est la réaction? Parce que la principale qui est venue, c'est du regroupement des artistes en art visuel du Québec, qui, on s'en rappelle, on en avait déjà parlé dans leur cas, c'était beaucoup de questions, bon, au niveau canadien, liées au droit d'auteur et à la pérennité de ce droit-là. Et eux, justement, ont levé la main suite à l'apparition de ce rapport de 200 pages en disant, oui, mais où sont les artistes? Je cite, ils disent, regardez, il n'y a aucune mention des créateurs des œuvres exposées, encore moins des artistes québécois vivants et des conditions conditions de diffusion à mettre en pratique par les institutions muséales. Ils disent que le rapport ne fait référence à aucun cadre légal en lien avec la condition d'artiste. Donc, on mentionne la loi sur le développement durable, on mentionne la loi sur le patrimoine culturel, mais il n'y a pas de cadre légal de loi sur le statut professionnel des artistes en art visuel, de loi sur le droit d'auteur, etc., etc. Et on dit, ben regardez, on propose des modifications, des bonifications à l'approche muséale. Ben, pourrait-on également intégrer dans cette proposition-là les conditions des artistes et la relation entre l'institution muséale et le droit d'auteur et en notion de contrat également, donc etc., etc. Un peu les éléments qu'on a amenés, bon, via le système judiciaire du côté canadien, donc de voir des échos québécois à ça, c'est ce qu'ils revendiquent. Tant qu'à faire le travail, en fait. Tant qu'à faire le travail, exactement. Eux rappellent évidemment aussi qu'ils ont déjà déposé un mémoire dans le cadre des consultations du groupe. Ils se demandent justement s'il a été pris en compte. Rapidement, ce qu'ils proposaient, c'était d'assurer une diffusion substantielle de la culture nationale en exposant de façon conséquente les œuvres d'artistes en art visuel québécois, d'étendre la notion de professionnalisation aux ententes contractuelles avec les artistes en art visuel, d'améliorer la rémunération des artistes incluant les droits d'auteur, honoraires, frais de séjour, etc., accroître la présence internationale d'artistes en art visuel québécois par la collaboration entre galeries d'art contemporain, musées, collectionneurs, et permettre enfin des budgets adéquats et récurrents pour l'acquisition d'œuvres d'art d'artistes québécois vivants. Donc, une première réaction, on attend quand même les autres, pour ma part, avec quand même une certaine impatience. Oui, puis en fait, évidemment, ça reste un rapport, un groupe de travail, bon, le temps que ça devienne une loi, c'est, ouais. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mettons. Oh, oui, vraiment. Et sinon, ben en fait, on parle de collections institutionnelles, mais moins du côté muséal, du côté plutôt de sociétés parapubliques. L'Auto-Québec, qui a décidé de fermer son espace création, en fait, c'est sur la rue Sherbrooke à Montréal. Bon, ils ont quand même une collection assez large, là, 4600 œuvres réalisées par 1200 artistes. C'est une des plus importantes collections au Québec. Et ben ça fait déjà plusieurs années que c'est exposé justement sur la rue Sherbrooke. Et on a fait le calcul, 27 expositions en 8 ans. On dit à peu près 3900 personnes par exposition qui se déplaçaient pour s'y rendre. C'est très peu. Ouais. Considérant l'espace, le lieu, le type de collection, etc., etc. Alors, ils ont dit, ben regardez, on va laisser tomber cette idée de la proposer dans un lieu fixe avec des rotations. On va plutôt la faire voyager. Donc, l'idée est d'amener donc les collections un peu partout au Québec. En fait, ils vont circuler dans les musées d'art contemporains dans à peu près toutes les régions du Québec, dans différentes institutions. Également, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait créer un artiste en résidence itinérante. Alors, donc, l'idée, c'est de développer, par exemple, une œuvre, mais au fur et à mesure des pérégrinations de la collection. Okay. Donc l'idée, par exemple, c'est ça vient de Georgia Volpe, dont une œuvre a inspiré le titre de l'exposition itinérante Territoire imaginé. Et donc Madame Volpe va elle développer une œuvre interactive à partir de son installation Point de rencontre faite de matière recyclée que les visiteurs vont pouvoir reconfigurer. Donc il va être intégré aussi à cette exposition itinérante. Et on dit ben regardons, on va la renouveler et ensuite on va essayer aussi de bonifier les possibilités de prêt d'œuvres d'art pour vraiment s'assurer que la collection circule. Ben oui, parce que c'est quand même, tu disais tout à l'heure, c'est une grosse collection, donc la rendre plus accessible, c'est juste positif. Oui, puis on voit que c'est de plus en plus dans les airs, en fait. Donc l'idée de mieux rendre disponibles ces collections-là, bon, du côté du Musée des Beaux-Arts du Québec, on développe un nouveau pavillon pour justement, entre autres choses, ça semble être une préoccupation aussi dans plusieurs institutions, donc comment mieux les utiliser, mieux les rendre publics. Alors, ben voilà. Oui. Donc, différentes stratégies. Et sinon, on parle un peu de marché de l'art, c'est un peu incontournable. J'ai trouvé, cela dit, un article assez intéressant du côté des affaires. Donc, pour ceux qui se demandent comment ça marche, développer justement des collections d'art, on donne quelques conseils d'un point de vue business. Et notamment, bon, dire, regardez, collectionner l'art, c'est plutôt comme l'immobilier que comme les enchères et les actions. Donc, c'est le genre d'ouvrage, en fait, qu'il faut conserver plusieurs années pour qu'ils prennent réellement une valeur. Donc, on peut pas simplement acheter et revendre comme des actions. Et on explique un peu différents conseils, toujours dans un esprit de collection qu'on vise à revendre versus une collection qu'on vise éventuellement à donner plutôt, ouais, à une institution muséale. Et sinon, on parle toujours aussi de records. Évidemment, c'est un peu incontournable. Oui, on en parle régulièrement. rarement, mais c'est toujours des records qui battent. Toujours impressionnant quand même. Et cette fois-ci, c'est Francis Bacon, donc une œuvre qui a été vendue 142,4 millions de dollars à New York. C'est l'œuvre d'art la plus chère au monde. Ah ouais, voilà, donc, voilà, c'est fait. Donc c'est Francis Bacon désormais qui est le plus cher. Et enfin, pour terminer, j'ai trouvé ça chouette là, un chat dans la gorge. Alors, c'est l'institution Smithsonian qui regroupe les musées nationaux à Washington qui a lancé la semaine dernière une collection en 3D qui permet à l'amateur ou l'écolier de voir depuis son écran des pièces, des collections en trois dimensions. Donc, des pièces assez variées, là, autant du patrimoine plus architectural, autant l'avion des frères Wright au premier vol, une statue de Bouddha, un masque du visage du président Abraham Lincoln et autres éléments comme ça. Et donc, ils sont disponibles, on peut les voir en 3D et qui plus est, on prévoit un peu pour l'avenir, on a intégré des éléments pour permettre aux gens aussi de les imprimer en 3D pour pouvoir s'approprier un peu ces objets et les manipuler. Mais comment on les voit en 3D, Raymond? Je ne suis pas sûr de... Ben, enfin, on a fait une captation, on a fait un scan tridimensionnel. Ouais. Et à partir de ce scan-là, qui est généralement assez détaillé, ben, on a généré, dans le fond, une codification de l'objet en 3D. Donc, ce qui fait qu'on peut le manipuler, on le rentre donc à l'intérieur du séquence web, on peut le voir. Angles, on peut le déplacer, en fait, un peu comme dans un jeu vidéo, à la limite, donc on intègre l'objet 3D. On se déplace autour, on peut zoomer, on peut l'éloigner, on peut le déplacer et on peut l'imprimer. Ce qui est quand même assez chouette aussi. Pourquoi si jamais pas? Vous avez une imprimante 3D, gardez-vous. Pour l'instant, c'est assez cher, mais d'ici 5 ou 10 ans, peut-être qu'on va être content. Ben oui, hein, qui sait. Ben Raymond Poirier, merci. Ça me fait plaisir. Cette semaine, t'animes une émission spéciale pour La Vie en BD? Oui, exactement. On va être en direct du cinéma Le Clap. C'est les sommets du cinéma d'animation de Québec. Plusieurs activités, certaines d'ailleurs même qui ont lieu en lien avec la bande vidéo. Ben oui, Chaimi, notamment, le 21, fait une performance. Donc, vous allez parler un peu plus tard aujourd'hui. Oui. Donc, ben nous, on va être en direct du cinéma Le Clap vendredi soir en 17h30 et 19h pour en parler en détail avec des conservateurs, avec des gens de la Cinémathèque québécoise. Ça va être très, très intéressant. Voilà, c'est à ne pas manquer. On fait une pause audio, on écoute la pièce Holes. Au retour, on discute avec Gwenaëlle Bélanger. Mais. Mick. On est de retour à l'aérospatiale. On s'en va maintenant du côté de Méduse, au centre-vue, où on va voir l'exposition. Enfin, on va parler de l'exposition d'épeindre de Gwenaëlle Bélanger. Bonjour. Oui, salut. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, j'ai de la difficulté à m'exprimer, mais au-delà de ça, ça va très bien pour ma part aussi. Gwenaëlle, l'exposition que vous présentez à vue, c'est le fruit quand même d'une assez longue résidence, il me semble, dans ce centre. Oui, ben en fait, ça a été échelonné sur quand même quelques mois, là, plus qu'un an. C'était plus dans le fond, il y a eu plusieurs visites au musée pour faire les prises de photos, les prises de vue. Peut-être justement nous présenter un peu c'est quoi ce projet-là d'épeindre? OK. Ça part d'une idée assez simple. C'est un peu lorsque on est devant une fenêtre, puis il pleut à l'extérieur. Donc, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, il y a des gouttes sur la vitre. Souvent, on voit des photos qui sont prises comme ça où le focus est fait sur les gouttes, par exemple. Ouais. Et le reste est hors focus, où on fait le contraire. Donc, à un moment donné, les gouttes ont l'air de flotter, ça fait des effets visuels. Fait que, en fait, l'idée, c'était de travailler avec différentes graisses qui viennent moduler la lumière et la couleur de quelque chose qui est derrière la vitre. Donc, dans le fond, il y a un appareil photo, il y a une vitre sur laquelle il y a des graisses, et derrière, il y a un tableau. Donc, le tableau est un peu complètement transformé à cause un peu de l'effet visuel que les graisses vont donner. Et comment vous avez trouvé, parce que là, vous avez travaillé à partir de la collection du Musée national des beaux-arts du Québec, vous avez travaillé à partir d'œuvres d'artistes québécois. Comment vous avez trouvé ce travail-là en musée? Comment j'ai trouvé vous voulez dire le travail au musée? Tout le travail au musée, parce que bon, c'est sûr que ça prend des droits pour présenter les photographies. Tu sais, j'imagine qu'il y a une paperasse là, qui est quand même assez imposante. En fait, j'avais fait des photos dans le même principe où j'avais des bouquets de fleurs derrière. Ça, c'était comme ma première amorce. Mais quand j'ai fait ce travail-là, je me disais, ça serait super avec un tableau. Puis là, je pensais à un Riopelle, donc. Ouais. Parce que je me disais, ça pourrait être intéressant, toutes les couleurs, tout ça. Donc, j'en ai parlé. Je savais que j'avais ma résidence à Québec. Donc, je suis allé voir Évelyne Baudry, qui est la commissaire. Qui est une conservatrice, pardon, au musée. Oui, conservatrice de l'art contemporain. Oui, fait que là, je lui ai parlé du projet. Après ça, elle était emballée, tout ça. Fait que on a eu une première visite où je suis allé dans les réserves, dans les salles, regarder, identifier les peintures, tout ça. Ensuite, comme vous dites, il y a tout un travail. Bon, parce qu'on est dans une grosse institution, le Musée des Beaux-Arts. Donc, il fallait avoir des droits uniquement pour prendre des photos, donc c'est-à-dire même pas de diffuser l'image, là, vraiment juste de prendre la photo, il fallait avoir l'autorisation des artistes ou des ayants droit. Les ayants droit, c'est quand l'artiste est mort. Oui, les successions. C'est ça. Donc il fallait vraiment qu'on ait l'autorisation de pouvoir faire un shooting photo devant l'œuvre. Et ensuite, il fallait redemander la permission, il fallait envoyer le résultat. Et demander la permission pour pouvoir montrer le travail. Et c'est un peu ironique que vous dites que l'œuvre ou l'artiste qui vous a inspiré cette idée de travailler à partir de la peinture, ce soit Riopelle, puisque vous n'avez pas eu la permission finalement de reproduire. Non, c'est ça. En fait, c'est le seul artiste où on n'a pas eu la permission même de prendre la photo, là. Donc, c'est ça. Vous avez décidé quand même de mettre un espace gris dans la salle? Bien, c'est-à-dire que ça symbolise un peu l'absence de l'œuvre. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'infraction au niveau des droits. C'est juste pour montrer un peu, l'absence du tableau ou de la photo, en fait, qui aurait pu être intéressante. Mais elle est pas là. Donc, on peut se l'imaginer. Oui, c'est ça. Elle est là. Elle brille par son absence, en fait, puis l'évocation de son absence. Allez-y. Non, puis c'est ça, il y a le titre de l'œuvre. En fait, l'œuvre qu'on aurait dû prendre en photo, c'était l'œuvre Espagne, donc qui est dans la salle Riopelle. Donc, on peut aller la voir aussi puis se dire, bon, qu'est-ce qui serait arrivé? Oui, parce que si je me trompe pas, Espagne, c'est celle en entrant là, dans la salle, oui, dans la salle Riopelle. Si on revient plus spécifiquement aux photographies, j'ai trouvé, c'est la première chose qui m'a frappée quand je suis entrée dans la galerie, que le travail avec la graisse donne vraiment un caractère pictural à vos photos, les gestes, les traits, les empattements, les touches. Est-ce que vous aviez un peu l'impression de peindre avec cette graisse-là? Ben oui. C'est-à-dire, en fait, moi, c'est intéressant ce que vous dites là, de donner le un aspect pictural à la photo. Ça, c'était quelque chose qui me que j'espérais arriver à faire à un moment donné, c'est-à-dire ou juste de suggérer la picturalité. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il a fallu que je me mette dans la peau du peintre en tant que tel, ce que je suis pas du tout, là, même si j'adore la peinture. Parce que la façon comment j'appliquais les différentes graisses, ben c'est sûr qu'il fallait que je les applique soit au pinceau, soit à la spatule, ou avec toutes sortes d'outils. Donc, quel geste j'allais faire? Ça, il fallait que je me pose des questions aussi. Oui, ça met l'accent sur le geste, hein, aussi, j'imagine. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'est pour ça que le geste du peintre, c'est quelque chose de super important. Les peintres ont toute une dextérité ou une pratique qui est, c'est-à-dire, on devient pas un peintre du jour au lendemain. Il y a vraiment une pratique à faire, à essayer plusieurs fois, tel effet. Puis là, ben moi, j'arrive un peu, moi, je suis pas peintre, mais j'ai quand même, je voulais essayer de voir qu'est-ce qui arrivait avec ces gestes-là. Puis je pense que ça donne des effets intéressants, mais ici, c'est pas... On parle de peinture, mais avec la photo. C'est un projet assez étrange, là, qui se situe un peu entre les deux. Et voilà. Mais en fait, c'est que vous opérez quand même plusieurs transformations, plusieurs manipulations qui viennent brouiller le regard qu'on porte. Parce qu'à la fois, on a vos photographies, mais aussi... On a les œuvres qui sont derrière, puis vous avez décidé de mettre les titres aussi. Donc, il y a ce jeu-là entre ce qu'on voit puis ce qu'on devine derrière. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que moi, ben c'est ça, je pouvais pas mettre... si j'avais voulu mettre les images originales, tu sais, à côté ou dans un livre ou quelque chose, ben là, à ce moment-là, il aurait fallu que je redemande des droits puis tout ça. Fait que ça devient encore plus compliqué. Mais c'est, ce qui est intéressant, justement, je pense que c'est d'avoir le souvenir de l'œuvre, c'est-à-dire si on est allé voir la collection, la salle d'abstraction au musée, bon peut-être qu'il y a des œuvres quand même assez connues, donc on peut se dire essayer de se souvenir de l'œuvre, comment aller ouais. par rapport à ce qu'on voit dans la galerie. Donc il y a toute une transformation. Il y en a qui sont peut-être plus près de ce qu'ils sont. Il y en a que c'est comme une complète transformation. Où c'est difficile de reconnaître le. Donc, il y a tout ce jeu-là. Là. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un jeu parce que moi, je regardais l'exposition. Bon, c'est sûr, tu sais, si vous la manière dont vous avez traité Riopelle, ça s'apparente plus à Riopelle que, par exemple, Pellan. Mais ce qui m'a frappé, c'est accélération chromatique de Claude Tousignan, où là, vous avez décidé d'encadrer en forme de tondo, là, carrément. Là, vous jouez sur l'illusion aussi. Parce que dans votre manière de traiter la graisse, vous refaites les cercles en fondant les couleurs. Ouais, c'est dans le fond à chaque. Bon, dans ce cas-ci, c'est vrai que je reprends le c'est-à-dire le format du cadre est vraiment en cercle. Mais à chaque intervention, donc à chaque œuvre, on faisait plusieurs interventions avec la graisse. Okay. C'est sûr que le travail de Tousignan, bon, on a essayé avec des coups un peu en spirale, on a essayé des lignes droites, tout ça. Mais c'est sûr que ce qui modulait le mieux la couleur, c'était cet effet de circulaire. Et on dirait un peu du crémage ou je sais pas quoi. C'est vraiment fascinant ce que ça a donné. Puis, Tousignan, il l'a vu. Puis on peut pas s'éloigner de Tousignan, même en essayant de retravailler un peu sur son image, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que... c'est sûr que c'est ça. Il y a des œuvres qui se reconnaissent plus. Par exemple, le bord du A qui est en blanc. Oui. En fait, on peut faire l'exercice juste de se mettre très loin de la photo. Parfois, on est capable un peu mieux de reconnaître l'œuvre. C'est lorsqu'on s'approche que ça devient un peu plus justement abstrait, en fait. Ben c'est là qu'on voit justement l'empattement là, qui vient avec la graisse aussi. Ouais. En s'approchant. D'ailleurs, bon, on parle de Bordeaux, mais moi, ce qui a piqué ma curiosité aussi, mm-hmm. puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a des œuvres d'Alfred Pellan, Conciliabule, et de Jean-Paul Lemieux, La Fête Dieu à Québec, que vous avez présenté deux fois. Donc, il y a ce jeu-là aussi, c'est la même œuvre, mais on s'en rend pas compte tout de suite. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis, à chaque fois, on faisait des interventions, plusieurs interventions. Parfois, c'était extrêmement difficile de faire le choix. Ah ouais? D'en choisir une seule. Puis, dans le cas de Concis à bulles, bon, il y avait ça, des fois, ça donnait deux effets vraiment qui s'éloignaient, mais il y avait justement le jeu de les présenter dans un format différent. Puis de créer du rythme aussi là, dans, parce que ceux que vous parlez, ils sont dans l'espèce de mur, ouais, où il y a plusieurs tableaux, ça plus fait un peu un accrochage salon. Ouais, ouais, c'est donc, ça à l'italienne. Ouais, mais ça permet aussi de voir comment une même image peut en donner deux vraiment différentes. C'était aussi pour faire valoir ça en fait. Et d'ailleurs, on vient de parler de ce grand mur là. C'est le rythme justement qui est à la base de cet accrochage là. Ben, c'est-à-dire que vous avez peut-être vu aussi, il y a des images où on voit les tableaux dans le contexte. Oui, qui ont été oui, pris. Je voulais vous en parler justement. C'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a dû aller en réserve aussi. Il a fallu faire des prises de vue en réserve. Donc, on voit un peu, par exemple, dans le tableau de la casse, on voit le tableau qui est sur un porte-tableau et, bon, on voit un peu l'environnement. Donc, il n'y a pas celui de Cynthia Girard aussi, là, devant, je pense, avec oui, un mur comme en plastique, là. Donc, pour moi, c'était intéressant. Ça donnait un peu des clés aussi sur la façon, comment le travail a été fait. Puis c'est pour ça qu'on les a mis un peu en fin de parcours. Le grand mur, ben là, c'était pour recréer un peu, justement, l'univers avec l'accrochage du salon. Mais là, à ce moment-là, les peintures, en fait, sont plus serrées au niveau du cadrage, si on veut. Donc on reprend plus les proportions originales là, des œuvres. Mais c'est pour jouer un peu sur quand on rentrait en galerie aussi, avoir un peu une impression. Bon, on est dans une galerie de photos, mais de loin, on dirait même l'accrochage parle de peinture. Donc, il y avait ce jeu-là aussi là, qu'on voulait faire. Oui, c'est ça, sur le jeu entre photographie et peinture. Puis on voit d'ailleurs tout un propos ou à tout le moins un impact fort de la couleur, de la lumière, de la composition aussi qu'on peut peut-être qui nous semble plus près de la peinture. Ben oui, oui, c'est ça, mais ce n'est pas, ça peut faire partie d'autres pratiques ou d'autres disciplines aussi. Ouais, donc je parlais le traitement, en fait, là, oui. Dans ce cas-ci, là. Oui. Ben, c'est pour ça que je trouve ça intéressant comment ça va d'une discipline à l'autre, qui chevauche, dans le fond, moi je trouve ça intéressant d'aller d'une discipline à l'autre ou d'essayer d'empiéter sur les plates-bandes des autres disciplines. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Ben ça fonctionne très bien. Gwenaëlle Bélanger, merci beaucoup. Ben merci à vous. Voilà, donc l'exposition d'Épingle vient tout juste de commencer et présentée à vue jusqu'au 15 décembre. On fait une pause et au retour, on discute avec Catherine Boivin. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeu, musique, un événement hors du commun. On a voulu un chat parce qu'on l'a aimé tout de suite. Parce qu'il est tout cute avec ses petites pattes. Parce qu'il vient nous coller le soir devant la télé. Parce qu'il me réveille le dimanche matin. Parce que les enfants s'en occupent plus. Parce que sa litière est encore pleine. Parce que ça me coûte tellement cher. Parce que c'est bien trop de responsabilité. Parce que j'en veux plus. Si vous êtes prêt à avoir un animal de compagnie, demandez-vous si vous êtes vraiment prêt à vous en occuper. Un message du gouvernement du Québec. J'ai une recette immanquable pour les grosses fins. Dans un chaudron, vous versez une poignée d'huile, quelques ours polaires. Ajoutez un chèque que vous signez généreusement. Mettez un ou deux zéros de plus, c'est encore meilleur. C'est la grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090 ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxilloblase. Donnez. Les besoins sont grands. Point d'exclamation fêtera bientôt ses 10 ans. Cette boutique située dans le Faubourg Saint-Jean s'était donné une mission. Encourager et supporter les créateurs et les entreprises québécoises en offrant des bijoux, des vêtements et des objets rares aux gens du quartier et aux touristes. À l'aube de son 10e anniversaire, on peut dire mission accomplie. précurseur dans le quartier, certains diront même de la ville, Point d'exclamation a fait la promotion de plus de 250 créateurs d'ici, en plus d'offrir la ligne de bijoux Euphorie Design, création de la propriétaire Diane Bergeron. Toujours en mouvement et à la recherche de nouveautés, la boutique Point d'exclamation propose aujourd'hui ses trouvailles, des articles de brocante, sans oublier ses superbes vitrines qui égayeront vos pupilles. Objets d'art, objets rares. Toutes les raisons sont bonnes de s'exclamer au 762 rue Saint-Jean. Abonnez-vous à leur page Facebook pour vous tenir au courant des nouveautés et des promotions. Du 11 au 25 novembre, c'est le temps de voter pour le gala de CKRL 2013 pour la catégorie Choix du public. Rendez-vous à ckrl.qc.ca et votez pour votre émission favorite. En laissant votre adresse courriel, vous courez la chance de gagner un chèque cadeau de 25$ chez Popote, Papote et Potin. Le salé, c'est pour se nourrir. Le sucré, c'est pour le plaisir. Les lauréats seront connus le 29 novembre prochain. Un seul vote par jour sera comptabilisé. C'est à votre tour de vous faire entendre. Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale. Gilles Gagné, toujours avec vous pour vous entretenir d'art visuel, accompagné de Jacques Gignac à la mise en onde et tout juste à présent accompagné de Catherine Boivin. Bonjour. Bonjour, Julie. Ça va bien? Très bien, merci. Je t'ai envoyé chez la CERT. Je me suis dit que tu apprécierais l'exposition de Jean-Robert Drouillard. Oui, oui, merci vraiment. J'étais contente. Il faut courir pour aller voir parce que ça termine le 27 novembre, donc dans le courant de la semaine prochaine, vers la fin. Oh, j'ai l'impression qu'on est rendu fin novembre. C'est pour ça que. Le c'est temps pas passe si mal. Dans on est le 19, voilà. Mais tout de même, c'est la nouvelle production de Jean Robert, sculpteur, Drouillard, sculpteur connu de la région de Québec, connu des métiers d'art et connu des arts visuels aussi. Il nous a habitué à une production de sculptures sur bois. Où on voit des figures humaines habituellement, presque grandeur nature, là, tout où on sent tout taillé dans le bois, mais où on peut voir une intervention souvent avec un masque d'animal ou ça peut être une figure humaine, mais comme habillée en lapin ou enfin ouais. il y a un mélange souvent entre l'animal et la figure humaine. Et ce sont des œuvres qui entretiennent toujours une interrelation avec le public assez intéressante parce qu'elles occupent l'espace. On se fait méprendre. Hein? On a l'impression qu'elles sont vivantes à côté de nous. En fait, il y a une de ces œuvres qui était presque en permanence là à la galerie La Certe qu'il représente. Puis ça arrivait souvent que je voyais l'œuvre dans mon angle mort. Puis j'avais l'impression de quelqu'un qui était quelqu'un. Là. Alors, c'est exactement l'effet que ça fait en ce moment lorsqu'on va à la galerie La Certe. On arrive par la porte toute vitrée et puis il y a quelqu'un qui observe le mur. Alors, on se dit, ah, il y a déjà quelqu'un dans la galerie. Et là, non, c'est une sculpture. Et ça, c'est un coup de force quand même. Jean-Robert nous propose là 5 nouvelles sculptures qui occupent entièrement l'espace. Alors, les murs sont blancs. Il n'y a rien d'autre que Jean-Robert là, qui est vraiment mis en vedette cette fois-ci. Et la première, c'est que la façon que la galerie est faite, on ne les voit pas toutes du premier coup. Hein, non, parce qu'elle c'est est comme en L. Alors, la première qu'on voit, c'est comme une figure un petit peu... Moi, j'ai 5 pieds 3. Elle est un petit peu plus petite que moi, tout à fait, mais qui a vraiment une présence, habillée en jeans et en genre de chemise... les manches roulées. Et elle fixe le mur, sur lequel le mur, il y a une espèce comme une petite œuvre carrée en bois avec un disque blanc en porcelaine sur lequel il est écrit « La vie est belle, c'est votre monde qui est pourri, point. » Fait que là, ça donne le ton un peu. Ouais, là. Vraiment. Ça donne vraiment le ton. Fait que là, on se dit « Ah, OK. » Et puis là, finalement, on se rend compte que c'est comme c'est ce personnage-là qui semble être un jeune adulte, un peu... On le voit par ses traits, là, il y a aucun masque, là. C'est vraiment une figure humaine avec peint, tu sais, les chairs sont vraiment peints couleur peau, et puis il était en jeans, en chemise, comme je disais. En souliers Converse. Ouais, ça m'a frappé. Tout le monde, toutes les figures portent les souliers Converse, là, tout près. Alors, on est dans un univers de jeunes adultes. Et finalement, on retrouve un peu ce personnage-là qui semble, là, il est en camisole. Il y a une sculpture là avec 2 bidons d'essence là, cette fois-ci là. Tu sais, c'est alors là on sent que on a vraiment une thématique où on a là ce qui s'ensuit c'est comme une narration qui s'établit parce que là on voit cette deuxième sculpture-là où on voit un jeune en camisole et puis là, on sent que, bon, ben, si notre monde est pourri, il va intervenir peut-être, on ne sait pas. Ensuite, il y a une troisième sculpture, encore comme le même jeune, mais là, on se dit, ça peut pas être le même parce que là, il y a des tatouages sur lui. Ouais. Alors, c'est le jeune tatoué. Ou il s'est radicalisé en cours de route aussi, on n'est pas trop sûr. Oui, peut-être, c'est ça, il y a peut-être une évolution, tout à fait. Et c'est comme enfin, lui, il les nomme des jeunes poètes, hein, ces personnages-là. C'est des jeunes poètes avec un cœur tatoué dans la main là, aussi. Donc, le cœur au poing porte le nom de cette sculpture-là. Et donc, alors, ça progresse. On est rendu à ma troisième. La quatrième sculpture, elle est assez marquante, assez distincte, parce que là, il y a un personnage habillé avec une espèce de gilet coton ouaté, un peu kangourou, les mains dans les poches, mais surtout un masque à gaz qu'il porte. Donc, on revient un peu avec la thématique des masques, là, mais ici, donc, c'est le masque à gaz. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a fait exploser quelque chose et lui se protège? On a vraiment l'impression là, que les bidons d'essence ont pu servir à quelque chose. Mm-hmm. Et enfin, et là, ben, on les découvre, on vient de tourner le coin de la galerie et on découvre à la fin, et là, coup de théâtre un peu, un personnage féminin. Une fille, les bras ouverts, avec une petite robe courte, une petite robe... De cheerleader, en fait, c'est le nom de la sculpture. Elle a les bras comme pour embrasser le monde, les deux grands bras ouverts et puis la tête dans les airs et elle semble, elle, vouloir embrasser le monde et on n'est plus dans la même dynamique. On n'est pas dans la révolte ici, au contraire, on est peut-être plus dans la vie est belle et quelque chose de vouloir embrasser ce monde. Enfin, j'ai pas nommé tous les détails. Jean-Robert a une formation de sculpteur à la Maison des métiers d'art de Québec, mais aussi un parcours littéraire avant. Hein, il y a une formation en littérature à l'université. Tout à fait. Oui, c'est sa première vie. D'ailleurs, le personnage avec le masque à gaz a le pied sur un livre de Régent Ducharme, hein, La Vallée des Avalées aussi. Donc, enfin, il y a une réflexion, il y a un récit, une narration. Régent Ducharme aussi avait des personnages quand même avec une espèce de rage de vivre, puis... un peu une révolte intérieure. Ouais. Enfin, il faudrait peut-être mentionner que l'exposition s'appelle « Le cœur au poing comme un faucon aveugle ». Oui, le titre a vraiment piqué ma curiosité, je dois t'avouer. Voilà, alors ce titre-là aussi vient de l'univers narratif, littéraire là, de Jean-Robert. En lisant le communiqué, on apprend que ça vient de Anne Hébert, « Le tombeau des rois ». Donc, aussi d'une œuvre littéraire. Donc, il y a une espèce de va-et-vient là, entre la première formation de Jean-Robert et puis sa formation de sculpteur. Là. Et donc, ça nous amène dans cet univers qui est toujours assez intéressant. Écoutez, avec cinq sculptures, il occupe tout l'espace de la galerie. C'est assez fort, c'est présent. Le récit, tout le monde peut amener à son propre récit. D'ailleurs, les gens le font, là. Les gens de la galerie m'ont dit ça, c'est fou, là, tout de suite, les gens se font une histoire et puis ça fonctionne très, très bien là, pour essayer de donner ce récit-là. Alors, Jean-Robert s'en va dans cette direction nouvelle, peut-être, où ses personnages sont inspirés davantage de la jeunesse. On dit dans le communiqué toujours que cette fois-ci, il s'inspire davantage de l'univers de ses fils et des amis de ses fils, là, des connaissances, donc du monde de la jeunesse, mais aussi des différents mouvements de contestation là qu'on a pu voir, la mobilisation. On peut pas passer à côté. C'est là, ça. Moi, quand j'ai vu celui avec le masque à gaz, là, j'ai tout de suite pensé au printemps érable. Là, ça a été... Oui, et puis ça peut même aller plus loin. On peut passer à 2001 à Québec. C'est ça, là, quand il y avait eu ici, il y avait eu tellement de gaz. Le sommet, le sommet des Amériques, voilà, je cherchais. Et il faut dire que peut-être ce qui va l'amener dans cette réflexion-là, dans ce travail-là, c'est aussi le fait que le prochain thème de la Manif d'art 7, c'est résistance. Oh. Et il semblerait que Jean-Robert va faire partie de cette Manif d'art-là. Alors, il y a eu cette thématique-là aussi qui doit germer, à partir de laquelle il s'inspire ou enfin c'est ce qui connote ou qui oriente un peu sa démarche. J'ai pas eu la chance de lui parler pour lui demander. Qu'est-ce qui vient avant quoi, là? Mais ça nous annonce un peu vers quoi il va s'en aller pour ses prochains projets. Il faut dire que ça va très bien, là, pour Jean-Robert. Ben, d'une part, ses œuvres sont facilement interactives. On peut facilement rentrer en interaction avec pour le public. Ça va très bien au niveau des collectionneurs. Il dit qu'il aurait vendu 90% de sa production depuis qu'il est sorti de l'école, là. autour des années 2000. Donc, ça va très bien au niveau, collection. Là, déjà, il y avait une œuvre de vendue chez la CERT, là, qui était affichée. Donc, bravo, c'est formidable. C'est un success story, puis on est content. Mais aussi, dans les institutions, on commence à remarquer le travail de, son travail est remarqué. Il serait en liste pour les nouveaux prix en art actuel au Musée des Beaux-Arts, offert par le Musée des Beaux-Arts du Québec. Donc, il est parmi 5 finalistes. Alors, histoire à suivre. On va le voir à la Manif d'art au printemps, qui va avoir lieu ce printemps-ci. Et entre-temps, à Circa, à Montréal, bientôt. Donc, bravo Jean-Robert. Et puis, on l'aime, ta nouvelle production. Oui, c'est ça. On attend le reste avec impatience. Catherine Boivin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, l'exposition « Le cœur au poing comme un faucon aveugle » de Jean-Robert Drouillard est présentée chez la CERT jusqu'au 27 novembre. De notre côté, on s'en va en pause. On écoute un extrait de la pièce « Miniature ». Alors, on vient d'entendre un extrait de l'album Noise Free de Argument Floyd. Et là, on s'en va de ce pas virtuellement, en fait, à la bande vidéo, puisqu'on accueille Sébastien Hudon, directeur artistique de la bande. Bonjour. Bonjour, Julie, ça va? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Tu viens nous parler de l'exposition de Chaimi? Oui. Test Field, puisqu'elle est chinoise, donc j'imagine qu'il aurait fallu parler en anglais. Puis, pour moi, oui. Mener une entrevue en anglais, c'est un peu complexe. Donc, je me suis dit, pourquoi pas accueillir Sébastien, ce sera plus simple. Oui, parfait. Donc, je suis venu parler parce que, bon, Chai Mai en anglais, elle se débrouille bien, mais elle a quand même certaines difficultés avec certains mots. Donc, c'est ça. C'est plus difficile là, de parler de son travail en anglais. Là. Elle le fait bien à l'écrit, mais à l'oral, ça passait moins bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on t'accueille. Dis-moi, peux-tu nous présenter un peu l'exposition? Oui, mais en fait, c'est une exposition d'une monobande d'animation en stop motion, donc animation image par image que Chai Mai a travaillé dans les deux dernières années. C'est d'après le titre de l'exposition, et c'est ce qu'on a compris aussi, le travail est en chantier, il est en cours. En fait, on voit ce que va être à peu près le film. Il reste presque pas de séquence à ajouter, mais toute la narration est encore à faire, et elle est en train d'apprendre, donc présentement en résidence à la bande vidéo, à travailler avec les logiciels de son pour ajouter la narration sur son film. Ah oui, c'est ça, parce que je me disais, il y a pas de trame sonore. J'avais demandé, est-ce que c'est un choix justement de l'artiste ou Non, mais l'exposition était délibérée pour elle. C'était vraiment un choix de montrer c'est quoi l'aboutissement de son travail en ce moment. Ouais. Le fameux work in progress, là on est dedans, donc le travail en cours. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on entre vraiment dans la mécanique de l'œuvre, parce que tous les modèles qu'elle a fait pour produire le film, parce que elle produit chaque partie et chaque morceau de ces oiseaux, entre autres le corbeau et le moineau, donc ouais. et tous les paysages, elle les fait morceau par morceau, et par la suite elle les anime, mais elle les dessine à la main aussi là. C'est ça, exactement. Puis c'est un travail très très très précis. C'est une jeune femme minutieuse, mais avec un esprit inventif assez incroyable. Puis dans le fond, ce dont elle traite, c'est en raison souvent de la densification urbaine, de plus en plus de villes en Chine, ça fait disparaître des espèces d'oiseaux dans le fond, puis de plus en plus que les Chinois dans les villes voient, ce sont les moineaux et les corbeaux justement. Oui, tout à fait. Puis je pense que souvent on regarde l'art comme quelque chose d'extérieur, un peu à la personne, ou quelque chose d'un peu intellectualisé, mais elle, c'est vraiment son quotidien qu'elle transfigure là-dedans. Je pense qu'elle s'en rend pas toujours compte, en fait, que c'est autobiographique. Mais dans le fond, les oiseaux, le moineau, qui est comme un oiseau un peu frêle et délicat, ouais. C'est elle que ça représente, puis son désir de liberté. Et dans le film, bon, je peux peut-être le décrire un petit peu. Vas-y, on voit une relation qui s'établit entre un corbeau et un moineau, et peu à peu on sait pas si le corbeau est menaçant ou si il est bienveillant, mais en tout cas une des scènes principales, c'est qu'on voit un ensemble de moineaux s'élever au-dessus des nuages et du smog, et cette scène-là est particulièrement frappante parce que, bon, étant originaire de Beijing, et la pollution étant omniprésente sur les lieux, la première journée que je l'ai accueillie, on est sorti dehors, elle a regardé les nuages, elle a dit, mais c'est tellement beau. Des nuages, on en voit tous, c'est pas si spécial que ça. Mais pour elle, elle me disait, ça fait des années que j'ai pas vu des nuages. Ouf. Donc, c'est pas la transfiguration de son voyage à Québec, mais il y a une volonté et un désir de liberté, donc de s'élever au-dessus de cette masse de smog-là pour voir les nuages, qui rend l'œuvre d'une sensibilité vraiment touchante, très touchante. En fait. Oui, tout à fait. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette œuvre-là, c'est le contraste, en fait, parce que ces oiseaux-là, elle les dessine avec une précision vraiment naturaliste. Ouais. Et des fois, elle décortique les oiseaux, il y a des formes aussi qui sont vraiment plus géométriques et très colorées. Donc, le contraste entre ces deux-là, ça crée quelque chose de vraiment dynamique. Oui, parce parce que sinon on est dans des couleurs un peu de terre, et cette intrusion de formes là géométriques ou organiques mais sinueuses mais très abstraites rend le tout très vivant, très vivace pour l'œil. Ça plaît beaucoup aux enfants, ben évidemment, oui. Et ça fait beaucoup penser à l'esthétique aussi de Lélé. Et le choix de couleurs est pas anodin. Il y a quelque chose de la pop chinoise actuelle qui passe à travers ça. Et elle, au moment où elle commence à travailler sur ce projet-là, parce que bon, c'est une suite d'étapes. Et dans l'exposition, on voit les premiers dessins sur la gauche quand on entre. C'est des dessins justement de forme un peu organique, un peu comme des lampes lava, là, ouais. Les lampes lave. Puis il y a comme toutes les couleurs du spectre qui sont déclinées là-dedans, mais puis elle m'expliquait que ces dessins-là, c'est des arabesques qu'elle faisait. C'est vraiment des dessins un peu automatiques qu'elle faisait alors qu'elle était en train de travailler dans une entreprise de jeux vidéo. OK. Et on sent qu'il y a quelque chose de son inconscient qui parle justement à travers tout ça, et c'est ce qui fait que son œuvre est très très personnelle. Ça ressemble à rien d'autre, là. Non. Puis en même temps, ben il y a des parallèles à faire justement avec Lélé. D'ailleurs, duquel on peut voir des films sur la médiathèque de la bande vidéo. Et c'est intéressant de les comparer parce que les deux ont un langage plastique qui s'apparente, mais en même temps qui est très, très différent. Et c'est un couple dans la vie, donc... ouais, c'est ça. C'est pas tellement surprenant. Bon, la bande vidéo, normalement, on voit principalement de la vidéo, des installations aussi, mais dans ce cas-ci, j'ai eu l'impression vraiment d'une exposition. Tu parlais des étapes, Sébastien. C'est quand même, ça a dû être assez difficile parce que là, il y a comme ces boîtiers, on dirait des boîtiers d'entomologiste avec les dessins qu'elle a utilisés pour faire ses animations en stop motion. Il y a également des dessins au mur, puis la vidéo, ça doit être quand même, parce que la bande vidéo, c'est pas non plus un grand espace d'exposition, ça doit être assez complexe à installer. Disons qu'on a mis à profit toutes les expertises en place à la bande vidéo pour faire une exposition qui sort simplement du cadre de la monobande. Ouais. Puis en fait, on s'est beaucoup questionné sur comment on allait présenter tout ça, parce que elle-même, il y avait pas nécessairement, elle avait une idée, mais elle y avait pas nécessairement réfléchi. Donc, on a créé le dispositif en fonction des œuvres, et je pense qu'elle est très très contente du résultat. Et il y a quelque chose aussi, c'est que elle, pendant sa résidence, elle a créé une petite pièce qu'on va ajouter demain, qui rend encore l'exposition, qui ajoute une couche de sens à l'exposition. Et là, c'est comme un nid dans lequel il y a une sphère colorée. Mais sa sphère, au début, je pensais qu'elle était peinte, et quand elle me l'a montré, c'est que elle a pris du papier de construction coloré et elle a collé couche par couche les feuilles pour arriver à un résultat d'une sphère qui est très lourde, construite, qui doit faire à peu près 7 ou 8 pouces de diamètre, qui est fabuleuse et qui a un rendu très dense, là. C'est pas peint. Donc, ça m'a beaucoup surpris, justement, de voir ça. Et ça, en même temps, c'est cohérent avec sa minutie et son travail perfectionniste, excessif dans le détail, là. Mais on peut pas s'empêcher d'être impressionné, en fait. T'sais, en plus de trouver ça, parce qu'il y a quelque chose de touchant, il y a quelque chose d'amusant. En plus de tout ça, moi je regardais puis je me disais, ouf! Elle travaille, cette femme, là, ne serait-ce que pour le stop motion, mais pour la précision des dessins aussi, là, c'est comme... c'est fou, là. Juste pour l'anecdote, l'an passé, elle était en route pour Toronto et elle a perdu tout son boîtier avec tous ses modèles dans le train. Et elle a été obligée de tous les refaire et elle a terminé au début de l'automne. Ça lui a pris presque 7 mois à refaire tous les dessins. Wow! Ouais. Non, c'est une prouesse technique, mais aussi ça demande une certaine discipline et c'est très méditatif à quelque part. C'est quelque chose de l'enluminure, tu sais, du moine qui est devant son chevalet puis qui va avec une précision absolue, avec un stylet, faire des micro détails là pour rendre ça comme de façon rendre ça extraordinaire. Et jeudi, en fait, c'est l'ouverture du sommet de cinéma d'animation du Québec. Oui. Moi, je suis pas trop certaine du titre sommet international de cinéma d'animation. Ouais, c'est ça. Et justement, Chiang Mai va faire une performance de VJing. Oui, elle va faire donc du VJing en direct avec Fred Le Brasseur, qui va faire une improvisation de percussion, comme il sait si bien le faire, ouais, pour ceux qui le connaissent. Ouais, ouais. Et c'est donc le soir de l'ouverture, le jeudi 21 au Clap. Et je pense que c'est un 5 à 7. Et ça continue dans la soirée parce qu'il y a des projections. Et donc, c'est l'ouverture des sommets d'animation dans lequel la bande vidéo participe avec ses films. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été produites à l'international. Et on invite les gens à aller voir ça parce que c'est vraiment un événement important fait en collaboration avec Antitube et les Cinémathèques à Montréal. Voilà. Donc, si on veut plus d'informations, on a juste à aller sur le site de la Cinémathèque. Là, voilà. Tout se trouve aisément. Sébastien Hudon, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et l'exposition Test Film de Chiang Mai est présentée à la bande vidéo jusqu'au 1er décembre. On s'en va en pause, on écoute un extrait de la pièce About Everything. Voilà, avant de terminer l'émission, je vous invite à un événement, en fait, un micro-événement, je dirais, au Musée national des Beaux-Arts, puisque c'est du 21 au 24 novembre. Le musée présente au cœur de notre patrimoine artistique religieux, le Musée national des Beaux-Arts du Québec, fier partenaire de sa sauvegarde, où on va présenter des nouvelles acquisitions du musée grâce à un don de la Corporation des Dominicains de la Cité de Québec, donc qui sont présentés à partir du 21. Donc, pour 4 jours, en continu, gratuitement, 5 œuvres d'art majeures, dont des restaurations de 2 tableaux du père Marie-Alain Couturier qui a été réalisé dans les années 40. Également, un portrait du père Couturier, des photos qui sont prises avant, pendant et après la restauration, et aussi des œuvres d'Eugène et Théophile Hamel. Sur ce, c'est déjà la fin de l'émission. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Je remercie mes invités et collaborateurs également. Et bien entendu, on se met à l'écoute de Folk d'Amérique avec Jules Chaumel.